Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le restaurant chinois à la mode nord-américaine. Ce monsieur Chang veut que je lui trouve des restaurants chinois, de Terra Nova jusqu'au Pacifique. C'est louche, mais c'est payant. Alors ça commence ici, from coast to coast. J'ai 6 semaines et 10 millions de kilomètres carrés devant moi. Ma méthode est géographique, un jeu d'enfant. Peu importe où j'irai, dans un hameau ou sur la côte du continent, il y aura toujours au moins un restaurant chinois. Trouver des restaurants chinois partout au Canada pour le compte d'un riche investisseur d'Hong Kong qui veut immigrer au pays comme immigrant investisseur, c'est le point de départ loufoque du film documentaire de Philippe Falardeau sur l'immigration chinoise au Canada. Le film s'appelle « Pâté chinois », mais au-delà de ce délire de Falardeau, c'est vrai que le restaurant chinois est un peu ici ce que le restaurant indien est en Angleterre. On le trouve partout. Et de fait, où que vous alliez dans ce beau pays, vous allez toujours, toujours finir par tomber sur un restaurant chinois quelque part. Pour commencer, je voudrais bien goûter le potage au nid de corbeau. Oh oh oh. À moins que vous me conseilliez la soupe aux ailerons de cachalot. Oh oh oh. Je viens pour la première fois. Alors je vous en prie, guidez-moi. Honorable client, bienvenue au restaurant chinois. Je mange un potage pékinois. C'est un potage aux nouilles chinoises avec du jambon de Paris et des champignons aussi de Paris, mais ça n'empêche pas que c'est un potage quand même chinois et que j'apprécie beaucoup. C'est franco-chinois, hein? C'est exact. Potage pékinois avec du jambon de Paris et des champignons de Paris dans un restaurant chinois de Paris. La table est mise, comme on dit. Laurent Turcot, historien, ami de l'émission. Bonsoir. Bonsoir. C'est avec vous, Laurent, qu'on va faire l'histoire du restaurant chinois. Le restaurant chinois qu'on connaît, en fait, qui est associé à l'immigration chinoise en Amérique du Nord, le restaurant chinois qu'on trouve partout, encore aujourd'hui, au Canada et aux États-Unis, ça vient d'où, cette affaire-là? Tout commence sur la côte ouest. Oui, ça commence sur la côte ouest pour deux raisons. Premièrement, on trouve de l'or dans la vallée de la Californie et en plus, on doit construire un chemin de fer qui relie l'Est et l'Ouest. Donc, l'or, dans un premier temps, dans les années 1840, 1848-49, il y a véritablement le Gold Rush. Mm-hmm. Donc, on vient massivement de partout dans le monde, dont de Chine. Et on vient aussi parce qu'on a besoin de main-d'œuvre pour construire le chemin de fer. À l'époque, les grands employeurs américains emploient des Irlandais. Mais le problème avec les Irlandais, c'est qu'ils boivent beaucoup. Et le samedi, le dimanche, souvent, ils se battent. Donc, ils sont pas très dociles. Donc, les grands propriétaires terriens pour construire les chemins de fer vont se dire, ben, il y a une population chinoise qui vient d'immigrer, entre autres, à San Francisco pour la ruée vers l'or. Peut-être qu'on pourrait les engager. Donc, on fait des tests, on les engage et ça se passe remarquablement bien parce que les Chinois ne boivent pas d'alcool, sont dociles, font tout ce qu'on leur demande. Donc, ils se disent, bon, ben, on va mettre dehors les Irlandais et on prend les Chinois. Donc, il y a une immigration extrêmement massive. Juste pour vous donner des chiffres, 1851, 2700 Chinois à San Francisco. L'année suivante, 20 000 Chinois à San Francisco. Donc, ça devient une ville presque, des Chinois en exil qui fondent leur culture. Mais entendons-nous, la ruée vers l'or n'apporte pas que des gens qui vont véritablement dans les rivières. On va construire aussi tout un ensemble de bâtiments pour pourvoir aux gens qui vont chercher l'or, ne serait-ce que pour acheter des pioches, pour acheter des ânes, mais aussi pour la buanderie. On a souvent cette image des Chinois qui tiennent des buanderies. C'est dès cette époque-là, dès le milieu du 19e siècle, ils s'imposent. Mais on s'entend que souvent, c'est saturé. Donc, certains se disent, bon, ben là, il y a trop de buanderies. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va ouvrir des restaurants. Et ce n'est pas la première fois que les Chinois sont en lien avec les Américains. Dès la fin du 18e siècle, un premier bateau est arrivé au port en Chine, dans un port d'une grande ville en Chine, et il y a eu des liens qui se sont tissés entre l'aspect impérial de la Chine et les Américains. Donc, les Chinois savaient ce que les Américains mangeaient. Donc, qu'est-ce qu'on propose dans ces restaurants chinois? Du steak, du café. C'est ça. Ce n'est absolument pas au départ de la bouffe chinoise, comme on l'appelle. Des restos chinois tenus, en fait, par des Chinois, parce qu'évidemment, c'est après la ruée vers l'or, ça va pas très loin. Non. Les chemins de fer, ça va finir par finir. Et là, il faut que ces gens-là travaillent et ils vont dire, ben, on ouvre une buanderie, on ouvre un restaurant chinois. Donc, des restaurants tenus par des Chinois, mais qui n'ont rien de chinois, finalement. Exactement, parce qu'on s'entend que si vous proposez quelque chose de complètement différent, les gens ne sont pas habitués. Aujourd'hui, les saveurs qui sont celles de la Chine, de la sauce soya, du sésame, de l'huile, de poisson, quelles qu'elles soient, des légumes aussi, parce que les légumes ne sont pas cuits dans les ragoûts comme on les connaît dans, dans le monde occidental. Aujourd'hui, à l'époque, pardon, 19e siècle, les ragoûts, c'est qu'on faisait cuire de sorte que le brocoli, il ressemblait plus à rien, le chou-fleur ressemblait plus la à rien. La charpie de brocoli. Alors que dans la culture chinoise, dans la cuisine chinoise, c'est ce qu'on appelle un petit peu al dente, croquant à la fois. Donc, on n'est pas habitué à ces saveurs-là et on le comprend. Donc, on adapte la nourriture qui est véritablement de la nourriture sino-américaine, mais plus américaine que sino, dans le cas présent. Par ailleurs, ils sont nombreux sur la côte. C'est pareil d'ailleurs, hein? Juste un petit mot, mais au Canada, c'est le même phénomène, la même immigration à peu près. Ils vont arriver tout à fait. Ici, ils arrivent vers Vancouver, justement, et ils déploient peu à peu la diaspora chinoise un peu partout au pays. Mais ce qui va se passer, tant à San Francisco qu'à Vancouver, c'est quand on va en avoir fini, ben, on va se dire, il faut trouver de l'emploi. Ouais. Mais il y a quelque chose d'assez important à l'époque. Le racisme inhérent des sociétés occidentales du Canada et des Amériques et des États-Unis en général envers les Chinois. Donc, certains qui reviennent à Vancouver et à San Francisco font véritablement l'objet de campagnes extrêmement violentes. Certaines personnes descendent dans les Chinatown et détruisent les bâtiments, se saisissent des gens, les lynchent. Donc, deux choix, certaines populations qui repartent en Chine et d'autres qui pousse vers l'est. Donc, toute la côte est américaine, des villes comme New York, Boston, Philadelphie, Washington, mais de notre côté, Montréal, Toronto, vont être occupées et on va venir s'y installer. Donc, toute la côte est américaine et la région des Grands Lacs commence à être occupée par une diaspora chinoise. Et Montréal, dès la fin du 19e siècle, les premiers Chinois y arrivent et ouvrent des restaurants, mais bien sûr aussi des buanderies. Ouais. Et puis, c'est cantonais du côté de Montréal. Est-ce que sur la côte ouest, c'est aussi cantonais? Alors? C'est cantonais, exactement. C'est la même immigration. C'est la même immigration. Bon. Les Sichuans ne seront pas avant le début du 20e siècle. Alors, il y a ce contexte de racisme. C'est intéressant que vous le rappeliez parce que, de fait, on revient à la cuisine. Les gens de San Francisco, au début, sur la côte ouest, ne sont pas très friands. On dit les Chinois ouvrent des restaurants pour survivre, mais offrent pas de cuisine chinoise parce qu'on n'en veut pas. On n'a pas un très grand appétit pour cette cuisine-là sur la côte ouest. Sauf qu'ils sont là. Puis, à un moment donné, il y a des restaurants chinois, d'abord sur la côte ouest, qui commencent à offrir vraiment des mets chinois à la sauce américaine quand même, mais des mets chinois. Et c'est, en fait, les gens de la côte Est, le tourisme de New York, le tourisme européen qui va développer cette industrie-là parce qu'eux aiment, apprécient. D'abord, le Chinatown de San Francisco va se développer par ce tourisme-là et les restaurants chinois qui offrent des mets chinois aussi. Tout à fait, tout à fait. Le Chinatown va se constituer de ce qu'on appelle aujourd'hui un ghetto, mais entendons-nous, dans ce Chinatown, certes, il y a des gens qui viennent pour une expérience différente, on vient une fois par année, mais il y a aussi des Chinois qui y demeurent et eux veulent retrouver les saveurs de leur pays d'origine. Donc, vous allez avoir des restaurants qui, comme vous l'avez dit, vont offrir des mets typiquement chinois, du moins à la sauce américaine. Mais la grande nouveauté, et là, on se déplace, on part de San Francisco et là, on va être dans la côte Est, parce que c'est véritablement la côte Est et principalement New York. Pour ceux qui sont déjà allés à New York, Mott Street, Mulberry Street, au nord, en fait, de Brooklyn Bridge et juste au sud du quartier italien de Little Italy, vous avez ce quartier chinois qui, encore aujourd'hui, a cet aspect très particulier et sympathique. Mais en 1860, c'est une rue, Mott Street, qui va attirer tous les regards. On veut y aller, sauf qu'il y a deux préjugés négatifs. On dit que les cuisines sont sales et, en plus, que les Chinois mangent des rats, des chats, des chiens. Et là, vous avez un des grands critiques de la nourriture chinoise, un des défenseurs et un des pionniers qui est sino-américain, Wong Ching-Fu, qui va faire un article dans un journal de New York en disant qu'il offre $500 à quiconque peut trouver sur le menu ou dans les cuisines un chat et un chien que l'on cuisine. La prime n'a jamais été relevée. Oui. Et c'est peu à peu la transformation des consciences. Les gens se rendent compte que non seulement les Chinois cuisinent des choses extrêmement bonnes, mais que c'est complètement faux de dire qu'ils cuisinent des choses qui sont contre nature, pourrait-on dire. Et ça va devenir une habitude que d'aller chez le Chinois à New York beaucoup, puis ça va se répandre un peu partout. Puis c'est pas cher aussi, ça sera un facteur, puis on pourra y revenir. Mais à New York, donc sur la côte Est, c'est vraiment là où ça décolle, où l'appétit pour ces mets chinois se développe, avec des manifestations très concrètes là, qui sont révélatrices. 1912, premier livre de cuisine chinoise à la sauce américaine, destiné aux Américains. Entendons-nous. Là, pour l'instant, ce dont on parle, ne cherchez pas la cuisine chinoise, elle n'existe pas. On parle de cuisine sino-américaine quand on parle de cuisine chinoise. On n'en parlera plus d'ici. Donc oui, le premier livre de cuisine, Chinese Cookery in the Home Kitchen, en 1912, suivi par quelques années d'un autre livre de cuisine. Les recettes sont majoritairement des répliques des menus de restaurants moyens du centre-ville, le riz bouilli, plusieurs sortes de chop soy, du porc braisé, poulet, riz frit, ainsi de suite. Bref, tout un ensemble de mets, mais qui sont pas si éloignés de la culture américaine. Et l'autre point, vous l'avez dit, c'est peu cher. Ouais. Ce qui fait que la population ouvrière à New York, on le dit à ce moment-là, c'est en pleine expansion. Si vous avez vu des films comme Gangs of New York ou même Le Parrain, ça vous donne un peu l'ambiance de cette ville à cette époque-là. Mais le problème, on a parlé tout à l'heure d'un double préjugé. On a parlé des chats, des chiens, des rats que peut-être on cuisinait, ce qui était complètement faux. Et l'autre élément, c'est la saleté des cuisines, qui vient du fait qu'on considère que Chinatown est sale. Donc, au début des années 1900, un peu avant que le livre de cuisine en 1912 soit publié, on va dire qu'il est peut-être le temps de débarrasser Chinatown des maisons closes, des maisons d'opium, des propriétaires de commerces, de théâtres vont favoriser justement le nettoyage en tout point de vue pour offrir un visage propre, agréable, accessible. Pour attirer le monde. Un peu ce qu'on va faire beaucoup plus tard au 20e siècle autour de Times Square, ça sera fait donc au Chinatown autour des années 1900. Ça va être un ressort important. Exactement. Et on va un peu figer le décor de ces restaurants. Les lanternes rouges, des imprimés chinois de femmes joyeusement montrées. Donc vous allez avoir cette symbolique, mais ce stéréotype. Mais ce n'est pas encore extrêmement populaire. Il va falloir attendre un ensemble d'individus qu'on appelle les Bohemians, les bohémiens. Ça, c'est fou. Parce qu'à un moment donné, ce petit groupe-là, c'est des foodies avant l'heure. Oui, tout à fait. Ça va devenir très chic d'aller manger chinois. Exactement. De la même manière que le café s'est développé à la fin du 17e siècle avec la catégorie qu'on a appelée les virtuosos en Angleterre, qui disaient « Ah, moi, je bois du café, je me distingue. » De la même manière, les bohémiens vont dire « Nous nous distinguons et nous allons dans les restaurants chinois parce que non seulement on mange, mais on mange super bien. » Et c'est peu cher, nourrissant, accessible. Donc, ça devient plus qu'un événement. Avant, on y allait, mais une fois par année. Là, peu à peu, les gens vont se dire, ben, pourquoi on n'y va pas à chaque jour? Et tout autour du quartier chinois, quand vous allez voir sur une carte, c'est en plein centre de New York, pas très loin, en fait, de Battery Park, dans le Lower East Side. Donc, on se dit, il y a toute cette population qui peut y accéder facilement, et les gens, sur l'heure du dîner, vont massivement partir de Franklin, de Duane, de Worth, qui sont des rues de l'autre côté de Broadway, qui vont traverser pour aller dans Chinatown. On vient manger et en plus, ensuite, on revient travailler l'après-midi. Et là, c'est parti. Vraiment, on va très à partir du moment où le déclic se fait, le restaurant chinois va quitter le quartier chinois de New York. Il y en aura un peu partout. Va quitter New York. C'est le début là, de ce qu'on décrivait au début de l'émission, des restaurants chinois partout. Partout. Le chop suey, les restaurants chinois deviennent la saveur à la mode et on est dans un moment où les banlieues se développent. Ouais. Et comme la nourriture est peu chère, bien, on suit la population. Donc, les premiers cercles de circonférence de banlieue, on installe des restaurants chinois. Ça va magnifiquement bien marcher parce que c'est devenu un incontournable. C'est devenu usuel, comme on l'a entendu en début. C'est sûr que dans n'importe quelle petite bourgade où on va, il y a un restaurant chinois. Oui. Et là où il y a le restaurant chinois, il y a la civilisation urbaine, pourrait-on dire. Et vous avez prononcé un mot magique, Laurent Turcot, chop suey. All I want is a bowl of chop suey. A bowl of chop suey and you. A cozy little table for two. With a bowl of chop suey and you. For a plate that is very Chinesey. And night for a hug and a squeezy. Where we can do a billy and cooey with a bowl of chop suey for chewy. A Bowl of Chop Suey and Yui. C'est une chanson, Laurent, qui est tirée d'une comédie musicale qui date de 34. Il y aura plein de films. Vraiment, la culture chinoise, cette culture-là, parce que c'est une forme de culture particulière dont on parle, le chop suey, ça va se répandre. On va être fou de ça. On le voit au cinéma. Il est partout. Ben voilà. Il obsède véritablement parce que nos Bohemians qui ont découvert, ou plutôt qui ont qui sont rentrés dans les restaurants chinois sont tombés sur ces chop suey et se disent « Oh mon Dieu, c'est merveilleux, on en veut. » Et on va demander des chop suey partout. Mm-hmm. Mais il y en aura partout. Il y en aura partout. Dans les cafétérias d'école, mais vraiment partout. Mais il y a un problème avec le chop suey. Il n'y a pas de recette comme telle. Ouais. C'est ce qu'on appelle chez nous le touski. C'est-à-dire, on prend tout ce qui reste et on le mélange, on le fait cuire ensemble, on met ça sur du riz, on met un peu de sauce. On retrouverait, par exemple, des reins de poulet, du gésier, un peu de canard, des tripes, des fèves germées, du poisson séché. Bref, tout ce que le cuisinier pouvait trouver. Et même en Chine, en fait, on dit que la recette venait du fait que certains mendiants avec des pots de cuivre allaient de porte en porte pour demander aux domestiques les restes qu'ils ouais. avaient. Donc, une fois qu'ils avaient assez de nourriture, on faisait cuire le tout, mais vraiment cuire pendant longtemps. Donc, ça devenait presque du manger à chat, comme on dit aujourd'hui, là, une bonne fricassée de mou. Ouais. On mettait ça sur du riz et on le mangeait. Donc, un touski, entendons-nous, c'est pas fixé. Donc, mm-hmm. quand les gens disent « on veut du chop suey, on veut du chop suey », les restaurateurs de New York disent « OK, ben on va inventer quelque chose ». Donc, peu à peu, ça devient l'idée d'un mélange. Et c'est pas pour rien, parce que en langue cantonaise, le mot « chop suey » veut dire les petites choses qui restent et un mélanger ensemble de petites choses qui restent. C'est ce que voudrait dire « chop suey ». Vous me ferez pas parler chinois aujourd'hui parce non. que je vais massacrer la langue et je vais me faire insulter à juste titre. Rassurez-vous. Mais le chop suey devient le modèle par excellence. Et si vous regardez des vieilles photos de New York, vous voyez des enseignes partout. On vend du chop suey. Voilà le chop suey. Il y a même Louis Armstrong en 1926 qui va faire une chanson, le Cornet Chop Suey, parce que c'est l'idée de on mélange tout ensemble. Ouais. Vous allez même avoir des chop suey sundae. Entendez-vous, là, on met pas de gésier sur la crème glacée. Mais c'est l'idée de mélanger plein de choses. On va retrouver des cerises, des figues, des raisins, des citrons, des noix ouais. sur les sundae. Et c'est l'idée, on met du chop suey partout. Voilà. Bon, chop suey, évidemment, ce chop suey qui n'a plus rien, vous le disiez, de chinois, parce qu'on est là-dedans, cette cuisine chinoise qui n'en est pas, des mets chinois à la sauce américaine. Puis il y a d'autres beaux exemples fascinants, des trucs qu'ici, on associe à la cuisine chinoise, à ces fameux mets chinois, mais qui sont complètement inconnus en Chine. Je pense au poulet général Tao. Oui, le poulet général Tao. En anglais, le Tao aussi. Il y a aussi le terme de General Joe Chicken ou le General Chicken. Il y a plein de noms. D'où ça vient, on ne le sait pas. C'est un peu comme notre poutine au ouais. Québec. Plusieurs disent « Non, non, c'est ici, c'est ici ». Une journaliste de la BBC, Fuchsia Dunlop, s'est intéressée au poulet Tao ou Tao en français pour se rendre compte, selon elle, que ça viendrait de la région du Hunan. Mais en fait, quand tu es allé là-bas, personne mm-hmm. connaissait la chose. Jusqu'à ce qu'elle rencontre un chef, Peng Changkwe, qui avait fui durant la guerre civile, qui s'était réfugié aux États-Unis, qui ouvre un restaurant à New York et qui se rend compte que ce poulet frit, justement, quand on lui ajoute une sauce sucrée, parce mm-hmm. que les Américains, ben voilà. je n'invente rien, aiment le sucré, ouais. ben ça marche. Donc, il dit que la recette viendrait de lui. De là à dire que c'est vrai, je mets plusieurs points d'interrogation. Ouais, le petit biscuit chinois, un petit mot rapidement, mais... Pareil, là. Ça, ah oui, le biscuit chinois, c'est magnifique. On penserait qu'avec la philosophie chinoise, le confucianisme, l'idée que la sagesse est révélée dans des petites phrases dites, ça vient de là. Absolument pas. C'est en fait un restaurant chinois à Los Angeles en 1916. C'est un commerçant qui voyait que des gens attendaient pour prendre leur commande mm-hmm. pour emporter, faisait des petits biscuits pour divertir le tout. Et peu à peu, c'est revenu en Chine, plutôt revenu, c'est allé en Chine mm-hmm. parce que ça vient pas de Chine du tout, et les Chinois les appellent les biscuits américains. C'est vous dire un peu l'hybridation et le mélange des cultures ou est-ce qu'on ne sait plus du tout qui l'a inventé? Alors, pour mieux comprendre cette hybridation et ce mélange des cultures, on va, Laurent Turcot, entrer ensemble dans une cuisine, en quelque sorte, d'un restaurant chinois du Québec. Karen Tam, extrait d'un reportage de Macadam Tribu en 2004, qui est la fille d'un restaurateur chinois et qui va dévoiler certains secrets de son père. Ici, c'est les egg rolls qui sont faits par mon père. C'est fameux, il est fameux pour les egg rolls. Ici, sont les boules de poulet panées et on sert avec la sauce rouge qui n'est pas vraiment chinoise et aussi la plum sauce. Les sauces aux prunes, mais c'est fait avec les citrouilles. Et rien de prune dedans. Et il y a les petits secrets comme ça que... On ne peut pas savoir si tu ne travailles pas dans un restaurant chinois. Mais maintenant, on le sait, Laurent Turcot. Même la sauce aux prunes qui n'est pas de la sauce aux prunes. Où va-t-on? Mais c'est révélateur. Encore une fois, on ne reparlera pas de cette cuisine chinoise qui n'en est pas, mais on est dans la représentation, dans le toc, dans des mets chinois à sauce américaine. Et on n'en a pas parlé, mais toute l'iconographie, les décors de restaurants chinois qu'on veut. C'est aussi une représentation. C'est ce qu'on veut, à quoi ressemble la Chine dans nos têtes de Nord-Américains, finalement. Ben oui, on a tous des représentations de différentes cultures, souvent trafiquées, souvent fausses. La lanterne au plafond, un tableau centre, quelques imprimés simplistes d'inspiration chinoise, un comptoir pour la caisse enregistreuse, un rayon de cigares de cigarette à l'entrée. Ouais. C'est véritablement stéréotypé, mais c'est ce à quoi on s'attend et c'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'on veut. Donc, que font les restaurateurs? Ben, c'est ce qu'ils proposent, parce qu'on est dans un commerce et le commerce doit vendre. As we look back over this week, we think of the boundless hospitality that has been extended to all of us by our Chinese friends. We have today seen the progress of modern China. We have seen the matchless wonders of ancient China. We have seen also the beauty of the countryside, the vibrancy of a great city, Shanghai. Alors, de la boule de poulet pané, on passe à la géopolitique. Richard Nixon, il y a un lien. Richard Nixon, ce voyage du président américain en 72 en Chine, ce sera important, Laurent. C'est fondamental parce que Richard Nixon, justement, quand il part en Chine sous la pression de plusieurs de ses conseillers, dont Henry Kissinger, on lui dit, il faut essayer de casser ce bloc, justement, avec l'Union soviétique. Et comme la Chine est communiste, l'Union soviétique est communiste, on se dit, si les États-Unis arrivent à morceler l'opposant, peut-être qu'on va réussir à casser la dynamique Est-Ouest. Mais dans l'avion, Richard Nixon, on le prépare, on lui dit, écoute, tu vas être au palais de l'Assemblée du peuple, pas très loin de la place Tiananmen à Pékin. On va t'apporter des baguettes. Voici ces deux petits bouts. Maintenant, t'as 5 heures. C'est le temps qui restait au vol, pour te préparer. Et Kissinger arrive et dit, ah oui, aussi, il y a certains mets qu'on va te proposer, comme du concombre de mer, un peu visqueux, le goût est bizarre, tu manges. Et en plus, la télé américaine, dont NBC, avait décidé de retransmettre en direct le repas de Richard Nixon. C'est-à-dire, c'est qu'on voit Nixon avec des baguettes pour la première fois, et vous connaissez l'agilité du personnage. Nixon était tout sauf à l'aise devant les caméras. Et le pauvre homme qui prend des baguettes, qui essaie de manger, et à un moment donné, on coupe, il y a une publicité, heureusement, de McDonald's pour ses chaussons à la... à la cerise, suivi quelque temps d'une autre publicité de La Choy, qui est une grande compagnie qui fait des egg rolls. Opportuniste. Et on dit, l'Est rencontre l'Ouest. La Choy fait de la nourriture chinoise qui emballe les Américains. La Choy fait des recettes orientales pouvant être servies à la maison. Voilà. Tout est dans tout. Le restaurant chinois aujourd'hui, Laurent? Ben, il y en a partout. Il y en a partout. On considère que sur les 40 000 restaurants chinois aux États-Unis, il y en a 80 % qui servent de la nourriture sino-américaine. Mais qu'est-ce qui reste du 20 % Ben justement, on a un renouveau de la cuisine chinoise. Parce que, pour l'instant, on a parlé de cuisine chinoise, mais elle n'existe pas, cette cuisine chinoise. On a de la cuisine sichuanaise, on a de la cuisine du Wuhan. Bref, on voit des régions qui investissent l'Amérique, mais l'Occident en général, et on peut manger comme on mange en Chine. Cela étant, ne vous attendez pas à payer 15 $ pour un menu. Faut payer. De la même manière, pour manger un 5 étoiles à la française, faut payer. Oui. Et il y a de la grande cuisine. Simplement, faut mettre le temps et faut mettre l'argent. Oui. Laurent Turcot, historien, ami de l'émission, enseignant d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. Bon appétit. À la prochaine.